بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et certes, nous sommes emplis de joie par ce genre d'assises qui permettent de faire rentrer le bonheur dans le cœur. مع أننا في هذا اليوم تعرفون بعض الناس يفرحون بأمور أخرى. Certaines personnes sont heureux par autre chose que cela en ce jour. يفرحون بما لا يرضاه رب العالمين. Ils sont heureux de ce que Allah تبارك وتعالى n'agrée pas. ونحن نفرح بما يرضاه الله تبارك وتعالى أي مجالس العلم. Et nous, on est heureux par la cause de ce que Allah عز وجل agrée, c'est-à-dire ce genre d'assises, les assises de science. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ذلك حتى نموت. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous raffermir sur cela jusqu'à la mort. Amin. فنبدأ في هذا اليوم كتاب الصلاة. Et on va commencer aujourd'hui le livre de la prière. أكملنا والحمد لله كتاب الطهارة. On a fini par tous les noms en chantant Allah, on a fini le livre de la purification et on commence avec le deuxième livre, celui qui vient après, c'est-à-dire كتاب الصلاة. فالصلاة لغة قالت العلماء الأصل في اللغة الدعاء. En ce qui concerne la prière, le mot as-salat dans la langue arabe, les savants ils ont dit sa base dans la langue arabe c'est ad-du'a, l'invocation. Kama fi qawlillahi ta'ala, comme dans la parole d'Allah ta'ala, wa salli 'alayhim inna salataka sakanun lahum. Et salli 'alayhim, c'est-à-dire invoque pour eux, car certes ton invocation est un apaisement pour eux. Wa kadhalika fi sahih Muslim an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha du'iya ahadukum falyujib fa in kana sa'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Et aussi dans le recueil de l'imam Muslim sahih selon Abi Hurayra radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous est invité, alors qu'il réponde à l'invitation. Et s'il est jeûneur, falyusalli. Ça ne veut pas dire tu arrives, tu es invité, tu te mets de côté, tu pries raka'at, raka'at, raka'at. On te demande tu fais quoi? Tu dis je suis jeûneur, donc falyusalli, je prie. Non, falyusalli alors qu'il invoque. Invoque pour cette personne qui t'a invité. Tas'alullaha tabaraka wa ta'ala lahu al-maghfira. Tu demandes à Allah qu'il lui pardonne. Wa in kana muftiran, et si la personne ne jeûne pas, alors qu'elle mange. Falyat'am. Lakin uridu an unabbiha ala amrin muhim. Cependant, je voudrais attirer l'attention sur un point important. وهو أن اللغة العربية لغة غنية أفرادها ذات أو ذوات معان عديدة. C'est que la langue arabe est une langue qui est très riche. Les mots de cette langue ont plusieurs significations. فيتبين المعنى المراد حسب السياق. Et la signification qui est voulue par un mot est déterminée par siyaq, c'est-à-dire la tournure de la phrase. La tournure de la phrase va nous permettre de déterminer la signification du mot. Le mot, sa signification change en fonction de la tournure de la phrase. Wa yurja'u fi dhalika ila al-kutub al-mukhtassati bi hadha ay bi hadha al-fan kal ma'ajim wa ghayriha. Et il faut revenir, concernant ce sujet, il faut revenir vers les livres qui ont été écrits sur cette matière, comme les dictionnaires et autres. لماذا أذكر لكم هذا الكلام هنا؟ Pourquoi est-ce que je vous cite ce sujet, cette parole? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ici, dans Kitab al-Salat? لأنني وقفت على تغريدة كتبها أحد الجهال الذين يحاولون بث الشبه في قلوب الناس وهم في الحقيقة يفضحون أنفسهم ويعلنون بجهلهم. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ici? C'est parce que je suis tombé sur un tweet écrit par un de ces ignorants qui cherche à propager les ambiguïtés et à les faire rentrer dans le cœur des gens. Alors qu'en réalité, ils ne font que dévoiler leur propre personne et à montrer publiquement leur ignorance. فهذا الشخص قسيس يحرص أشد الحرص على إبعاد الناس من نور الله. Et cette personne, c'est un prêtre qui s'efforce d'éloigner les gens de la lumière d'Allah en écrivant des livres pour répliquer sur l'islam. Il fait des vidéos pour répliquer sur l'islam. Il a même un site officiel. Il a ses vidéos, ses ambiguïtés qu'il propage pour répliquer sur cette belle religion, cette religion qu'est l'islam. Fait يا ليته تأمل في قول الله تعالى. Si seulement il avait médité sur la parole d'Allah le Très-Haut, يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachève sa lumière, même si les incroyants le détestent. Même si les incroyants détestent cela. Et donc, il peut se fatiguer. Fatigue-toi. Des audios, des vidéos, des cassettes, site internet, Twitter. Tu peux te fatiguer. فَقَالَ فِي تَغْرِدَتِهِ إِنَّهُ يُوجَدْ فِي الْقُرْآنِ. Et donc il dit que dans ce tweet qu'il a écrit, il a même fait une vidéo, j'ai vu aussi une vidéo, il dit, il y a dans le Coran, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. » Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. « Qala idhan » Allah prie sur le prophète. فَجَهْلَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ في Twitter يَرُدُّونَ عَلَيْهِ. Alors certains musulmans, ils ont commencé à répliquer sur lui, sur Twitter. فَقَالَ الصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ الدُّعَى. Il a dit la salat dans la langue arabe, c'est الدُّعَى. الدُّعَى. Et donc, ne venez pas nous voir avec d'autres significations. Salat dans la langue arabe, c'est dua. Et donc Allah a invoqué, Allah et ses anges invoquent le prophète. C'est tout. Wa nahnu naqul, et nous disons, ta'allam al-lughah al-arabiyya. Ta'allam al-lughah al-arabiyya qabla an tuhawil ar-radd 'ala al-muslimin bi tariqati al-lughah. Nous disons « étudie la langue arabe avant d'essayer de répliquer aux musulmans en utilisant la langue arabe. » Tu ne peux pas utiliser un élément que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, pour répliquer sur des gens. Tu ne maîtrises pas la langue arabe. Apprends-la d'abord et ensuite on verra. Comme on a vu précédemment, les mots dans la langue arabe ont plusieurs significations. Et la signification apparaît dans la tournure de la phrase. Qala Ibn al-Athir, le grand savant Ibn al-Athir, rahimahullah, savant dans le hadith, qui écrit ce livre, qui fait partie des maraji' dans la langue arabe concernant la science du hadith, dès qu'il y a un mot qui peut perturber dans un hadith, tu peux retourner vers ce livre, le livre d'Ibn al-Athir, qui indique les significations des mots difficiles. Il dit, concernant le mot as-salat, il dit asluha fil lughati ad-du'a. Il dit la base dans la langue, la base de ce mot, c'est ad-du'a, l'invocation. Ta'ammalu fi kalam ibn al-Athir. Qala asluha fil lugha wa lam yaqul ma'naha al-wahid fil lugha huwa ad-du'a. Méditez sur cette parole d'Ibn al-Athir. Il a dit la base dans la signification de ce mot dans la langue arabe, c'est l'invocation. Il n'a pas dit la seule signification de as-salat, c'est l'invocation. Il n'a pas dit ça. Bel, qala fi mawdi'in akhar, qila inna min asliha fi al-lugha at-ta'zim. Il a dit, et il a aussi été dit que parmi les significations, la base, que sa base dans la langue arabe, la base du mot as-salat, c'est at-ta'zim, c'est-à-dire la considération. Et le fait de permettre d'être considéré. Fa'qala fi mawdi'in akhar. Fa'amma qawluna Allahumma salli ala Muhammad. فمعناه عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته. Il dit un autre passage encore, Ibn al-Athir. Il dit, et lorsque nous disons, ô Allah, salli ala Muhammad, salli, que le prêtre a traduit par prie, ou invoque Mohammed. Ici, il dit, Ibn al-Athir, la signification du mot salli, c'est-à-dire fait qu'il soit considéré ici-bas en élevant sa parole et en mettant en évidence son appel, sa da'wa, et aussi en préservant sa législation ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Fait qu'il soit considéré aussi dans l'au-delà par le fait qu'il pratique l'intercession pour sa communauté et le fait que ses récompenses soient augmentées et multipliées. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi qala Abu al-Aliya salatu Allah thana'uhu alayhi 'inda al-mala'ika wa salatu al-mala'ika ad-du'a. Al-Bukhari, il dit dans son recueil As-Sahih, Abu al-Aliya, qui fait partie de nos salafs, qu'on cite aussi souvent dans Tafsir al-Qur'an, Abu al-Aliya qui dit, Salatullah, la salat d'Allah, c'est le fait qu'il fasse les éloges du prophète dans les cieux. Le fait qu'il fasse les éloges de l'individu auprès des anges. Thana'uhu alayhi inda al-mala'ika wa salatu al-mala'ika, et la salat des anges, c'est ad-du'a. Le fait qu'ils invoquent pour le prophète ou qu'ils invoquent pour les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa la yu'lamu an ahadin min ulama'i al-lugha anna ma'na as-salat lughatan ad-du'a fa hasb. Et il n'est connu d'aucun savant de la langue arabe que la signification du mot as-salat, c'est seulement ad-du'a, l'invocation. Nullement connu. Wa min a'jab al-'ujab anna hadha ar-rajul yasta'milu jahlahu bil-lugha bil-lughati al-'arabiyya fi tafsir kalamillah. Et ce qui est le plus super surprenant, c'est que cette personne va utiliser son ignorance dans la langue arabe pour interpréter la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Certes, nous l'avons fait descendre un Qur'an en langue arabe afin que vous raisonniez. Comment peux-tu interpréter ce livre alors que tu n'as même pas la langue arabe? Tu ne la maîtrises pas, tu ne la connais pas. Et comment peux-tu en contredire les explications de tous les Arabes qui t'ont précédé? Et tu viens, toi, aujourd'hui, francophone, ne connaissant pas la langue arabe, et tu te mets à expliquer les mots de cette belle langue. Et aussi, lorsqu'il dit, ils disent les musulmans, regardez, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Et donc, Allah et les anges, ils font un même acte. Allah wa al-malaika lahum fi'lun wahid, ils ont le même acte. Naam, il est où le problème? Il est où le problème? Ne dites-vous pas que Dieu parle? Vous dites que Dieu parle. Les chrétiens disent que Dieu parle. Yuthbituna lahul kalam. Ils affirment qu'il parle. Taïb. Et l'être humain parle aussi. Et donc, est-ce qu'on va dire qu'ils ont le même acte? Non. Li'anna kalam al-insan laysa ka kalam illah. Car la parole de l'être humain n'est pas comme la parole d'Allah. Et de la même façon, la salat d'Allah n'est pas comme la salat des anges et n'est pas non plus comme la salat des êtres humains. وَهَكَذَا فَلَا بُدَّ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَعِدُّ لِهَذِهِ الْأُمُورِ. Les musulmans doivent se préparer, les frères. Cet homme, il a écrit ses livres. Il a écrit ses livres, il a fait son site internet et il a annoncé la raison. Les chrétiens qui vivent dans des pays où il y a beaucoup de musulmans doivent se préparer à cela. Doivent se préparer à cette religion étrangère. Et donc, j'ai écrit ce livre pour aider les chrétiens à se préparer, à argumenter face à l'islam. Pas les musulmans et nous, on va arriver les mains vides comme ça. On ne se prépare pas. Tu arrives devant un chrétien en pensant que tu vas lui expliquer l'islam, la beauté de l'islam, et tawhid, etc. Et là, il te dit « Inna Allaha wa malaikatahu ». On se tait. Il faut, nous aussi, on doit se préparer, les frères. Nous aussi, on doit se préparer pour ce genre de choses. « Wa ma'na as-salatu fi shara'a » Et la signification de « as-salat » dans la législation, « hiya ibadatun » ذات أقوال وأفعال معلومة أولها التكبير وآخرها التسليم كما ذكره العلامة ابن العثيمين رحمه الله. Et donc, et la signification de la salat dans la législation, dans le shara, c'est une adoration qui contient des paroles et des actes qui sont connus, dont la première est le takbir, la première parole et acte, le takbir. Et la dernière, et taslim, le fait de passer le salam. Comme l'a cité le shir, le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Wa mimma yadullu ala ahammiyati hadhihi al-ibada, anna Allah ta'ala faradaha ala nabiyyihi duna wasita, fawqa as-samawati as-sab'a, laylat al-mi'raj. Et parmi les éléments qui montrent l'importance de cette adoration, l'importance de la salat, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala a rendu cet acte obligatoire à son messager sans qu'il y ait un intermédiaire entre deux. Sans qu'il y ait un intermédiaire entre deux. Et ce, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé au ciel. Laylat al-mi'raj. Taïb. Mais on a déjà vu Moussa, c'est Kalimullah. C'est Moussa qu'on appelle Kalimullah. Celui à qui Allah a parlé. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Muhammad Kalimullah? Pourquoi on ne dit pas Muhammad Kalimullah? Parce que ici, Allah lui a parlé, Allah lui a imposé et a rendu la prière obligatoire sans qu'il n'y ait un intermédiaire entre eux. Non? Là. فلماذا لا يقول كلم الله؟ قال بعض العلماء لأن الله تبارك وتعالى كلم موسى وموسى في الأرض. Certains savants les ont dit parce que Allah tabaraka wa ta'ala il a parlé à Moussa alors que Moussa il était sur terre. Moussa il était sur terre. Et donc Moussa huwa kalimullah fil ard. Mais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a parlé alors qu'il était aux cieux. Au-dessus des cieux. Et c'est pour cela qu'on dit donc que Moussa c'est kalimullah parce que Allah lui a parlé alors que Moussa était sur terre. Voilà une des explications des savants. ومما يدل على أهمية هذه العبادة أن بها يفرق بين المسلم والكافر. Parmi les éléments qui montrent l'importance de cet acte d'adoration, le fait que par celle-ci, par cet acte d'adoration, nous distinguons le musulman et l'incroyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. L'engagement, le pacte qu'il y a entre nous et eux, entre nous et eux, est la prière, est la salat. Celui qui la délaisse aura mécru. Celui qui délaisse la salat aura mécru. وأخيرا مما يدل على أهمية هذه العبادة أن الله أوجبها علينا خمس مرات في اليوم. Parmi les éléments qui montrent l'importance de cette adoration, le fait que Allah nous l'a rendu obligatoire 5 fois par jour. فَيَبْقَ الْمُسْلِمُ ذَاكِرًا لِلَّهِ. Alors le musulman va rester sans cesse se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala quand il se réveille en début de sa journée, à la moitié de la journée, dans l'après-midi encore, il se rappelle d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'arrivée de la nuit, encore un peu plus tard dans la nuit, il se rappelle d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'il aille dormir. وهذا يدلنا على أهمية هذه العبادة لتبقى الصلة قوية بين العبد وربه. Et cela nous montre l'importance de cet acte d'adoration afin que le lien reste fort entre le serviteur et son seigneur. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. On commence demain avec le premier hadith du livre de As-Salat. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا.